t'inquiète pas, Sophie, ça le fait. Sophie, d'abord, il a apparemment fait Diaporama. Puisqu'elle a eu en ligne le texte. Diaporama, Odorama, j'ai 15 ans. Voilà, je vais parler. Soupe de pêche au champagne au poisson jaune. Biscuit sablé aux noisettes. Le problème aussi, grâce maison d'un sucre Et par rapport à toutes ces choses, à ce grand vide que je voulais faire. Ah, c'est barbe. Le mec, ça attend. T'imagines, il y a 4 heures, ça bouge gâteau. Pardon, son break. Take a little break in the rush. Understood?